LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter pendant la quarantaine, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, 5e et 6e épisode, comment on vit la peste et comment on la peint ou pas.